C'est au bord d'une autoroute que ce pauvre a cassé sa pipe. Il vivait dans une yourte, pour sûr ce n'était pas très chic. Il n'avait pas 30 ans et pas toutes ses dents, mais dans sa courte vie, toujours les amis, il en a vu plus que nous tous réunis. C'était un môme bien sage, bien élevé, promu à une carrière de médecin. Mais ce n'est pas ce dont il rêvait, il voulut changer son destin. En filant sa musette, il se barre par la fenêtre, présentant sa courbette. Et pour éviter de se voir en costard, il endosse des habits de loubar. C'est dans une ruelle de Paris qu'il va se faire en gredin, pour draguer Virginie, la catin du coin. En tendant sa casquette, il récupère de trois piécettes en insultant tous les passants. Il regarde les soubrettes se faire toutes coquettes dans les hôtels-restaurants. Il voyage de ville en ville avec sa Jézabel. En délinquant juvénile, il se fait la belle. Il braque les magasins qui se trouvent sur son chemin, sans penser que la cata se barre avec le butin. En tendant sa casquette, il récupère de trois piécettes en insultant tous les passants. Il regarde les soubrettes se faire toutes coquettes dans les hôtels-restaurants. L'erreur des braqueurs, c'est pas savoir s'arrêter. À celle-ci, notre ami n'y a pas échappé. Au 19e braquage, le commissaire à la rage et part à sa poursuite. À la sortie d'un village, les bleus l'aperçoivent sur sa moto, il prend la fuite. La tombe ou la prison, il a déjà choisi. C'est au bord d'une autoroute qu'il met fin. Il tendait sa casquette, récupérant deux trois piécettes en insultant tous les passants. Il regardait les soubrettes se faire toutes coquettes dans les hôtels-restaurants.